sidekick est super, il a pris de son père, il sait tout faire. Il aime parler à mi-voix, s'approcher jusqu'à toi et puis saisir sa proie. Le coquin, c'est un sympathétique. Son vieux coeur.